AKCNM et KR2O, tu suis G d'école et maté en envol. Keto style boy, keto style boy, keto style boy. J'arrive hardcore sur ce putain de mic. Je veux que mes disques soient vendus comme les nouvelles Nike. On vit grave de tout, même du Coca-Cola. Ils volent dans nos fast-food, dans nos shops night. Rate pas l'amitié, petit maigrichon. Si je maille tout seul, je sais que d'autres m'en voudront. Je rappe pour les receleurs, big grave en sous le pont. Le rap, je le force pas, c'est un putain de don. Dans ce putain de monde, trop de choses. Les mystiques, j'essaye de percer leur défense juste avec ma tactique. Est-ce ma faute? Je suis un putain de perso. Depuis T.I. y'a plus le grand duo. La planque m'énerve, ma forge la conserve. Toujours pas de production, toujours pas de concert. Je veux juste que t'admettes que mon rap il est bon. Pour l'instant je t'assure que c'est pas con. T'as trop peur, pas sans te mettre la pression. Si tu veux t'en sortir, faut que tu trouves une raison. Mais bon, tu t'en diras pas sans mon conclusion. Mais bon, y'a une variation en fonction. Donc tu veux qu'on fasse un baston. Ghetto style, nouvelle édition. Si tu vois rien à l'horizon, c'est que c'est bon. Mais si tu vois des tourbillons, c'est que t'es con. T'as tellement peur que tu tournes en rond. T'es bête ou quoi? Laisse-moi te demander pardon. Et si tu le fais, respect fiston. Et si tu nous embêtes, t'étonnes pas si t'aurais des coups de crampons. Des coups de crampons, des coups de crampons, des coups de crampons. Notre rap est hardcore, laisse toujours des impacts. Brutal et le flow, c'est du fou, le contact. Il est doux, chauffant, il arrive bouillant. Ghetto style, c'est le crew, t'as kiffé le mouvement. Notre rap est hardcore, laisse toujours des impacts. Brutal et le flow, c'est du fou, le contact. Il est doux, chauffant, il arrive bouillant. Ghetto style, c'est le crew, t'as kiffé le mouvement. Notre son, c'est du lourd, on fait péter la cage. Le rap coule dans notre veine depuis le Moyen-Âge. Mon flow est hardcore, un putain de carnage. Les MC ont la haine, font des barrages, je suis hardcore. Quand le son est tout bon, on représente d'HDI jusqu'à la nuit des saisons. Je rappe brutalement, l'heure du grime, fort métalement, tu mates le talent. MC fait toujours mon argent. Quand il s'agit de rap, je suis toujours accro. Mais quand ressort tes poches remplies du macro, j'ai déjà dit. On est tous de spi, rien peut nous arrêter, à part un Uzi. Ghetto style et maté, on sait que t'as kiffé. Retourne d'où tu viens, je suis pas ton copain. Viens pas nous sucer, je change de flow. Pour que tu cristaux, arrête ton boulot. Écoute mes textos, ici c'est les pros. Ça sera du gros, tu seras accro. C'est tellement hardcore que ça excitera ton corps. Excitera ton corps, excitera ton corps. Notre rap est hardcore, laisse toujours des impacts. Brutal et le flow, c'est du fou, le contact. Il est doux, chauffant, il arrive bouillant. Ghetto style, c'est le crew, t'as kiffé le mouvement. Notre rap est hardcore, laisse toujours des impacts. Brutal et le flow, c'est du fou, le contact. Il est doux, chauffant, il arrive bouillant. Ghetto style, c'est le crew, t'as kiffé le mouvement. Ghetto, ghetto style, hein? Get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to slide, get to get to sl